Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui le lycée, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Vincent Bègre, réalisée par Sophie Aude-Picon. D'aujourd'hui nous raconte l'histoire d'élèves, de professeurs, aujourd'hui dans un lycée en Ile-de-France. Le scénariste Vincent Daigre est allé en résidence dans le lycée de la Plaine de Nauf, la Trappe, dans les Yvelines, pour partager avec des élèves son expérience de l'écriture de fiction. Pendant un an, il a côtoyé ainsi professeurs, administration et les élèves, bien sûr, enfin, tous ces hommes, ces femmes et ces jeunes qui vivent et font le lycée. Il a pu échanger autour de son métier d'auteur et de l'écriture de la fiction. Ce travail pose de nombreuses questions autour de la laïcité, de la violence, de la religion, de l'échec et du sentiment d'exclusion. Toutes ces questions soulevées dans la fiction, nous les aborderons ensuite dans l'entretien avec Didier Lemaire, professeur de philosophie au lycée de la Plaine de Naufle. À la suite de demandes adressées au ministère de l'Éducation nationale sur les atteintes à la laïcité et les violences scolaires, deux études viennent donner un éclairage assez précis. Dans le journal Le Monde, du 12 octobre dernier, on fait état de 402 cas d'atteinte à la laïcité entre avril et juin 2018 et traités par les équipes des rectorats. Près de 60 ont été jugés suffisamment difficiles pour que des équipes soient envoyées dans les établissements concernés. Au total, ce sont un millier d'atteintes qui ont été signalées. Dans le journal du dimanche, daté du 2 décembre, près de 500 enseignants ont répondu à un questionnaire lancé par le syndicat SNEF FSU après l'agression d'une professeure par un élève au lycée Édouard Branly de Créteil. Cette agression a déclenché un vaste mouvement chez les enseignants, nombreux à témoigner de l'omerta qui subsiste dans les établissements sur les violences dont ils sont victimes. Un mot-clé, hashtag pas de vague, a circulé sur les réseaux sociaux, mettant en cause la hiérarchie de l'éducation nationale, accusée d'étouffer trop souvent les faits de violence. Avant que ne commence la fiction, je voudrais lire un extrait d'une lettre destinée au président de la République et au ministre, écrite par notre invité Didier Lemaire et par Jean-Pierre Robin, inspecteur de l'éducation nationale. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les ministres, allez-vous poursuivre une politique qui a conduit à tant de drames humains ? Nos jeunes sont livrés à des réseaux qui recrutent dans les quartiers au grand jour et sur Internet. Comment se fait-il que notre République abandonne ses enfants ? Pourquoi l'État ne démantèle-t-il pas ces réseaux ? Pourquoi n'apporte-t-il aucune réponse d'ensemble pour transformer les conditions sociales qui favorisent l'islamisme ? Monsieur le Président, mesdames et messieurs les ministres, quel changement d'orientation à l'égard des populations issues de l'immigration envisagez-vous ? En un mot, quelle politique d'intégration comptez-vous mener pour mettre fin au sentiment de non-appartenance au monde d'une partie toujours plus grande de nos concitoyens ? Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le lycée, de Vincent Daigre. Début septembre, au lycée Jules Ferry, salle des profs, rentrée 2017. Alors, nerveuse ? Un peu, c'est ma première rentrée. Oh, tu sais, moi je les compte plus, mais j'appréhende toujours un peu. Et puis c'est vrai que la première fois, ouais. On s'en souvient à vie, mais c'est jamais la meilleure. C'est vrai dans beaucoup de domaines. Ah oui, c'est très vrai même. Tu veux que je t'en coupe une part ? Qu'est-ce que c'est ? Du pain de thon. Et puis j'ai aussi une petite salade pour accompagner. Il y a des assiettes propres à côté. Ah non, mais je veux pas te priver. Le penses-tu ? J'en prépare toujours trois fois trop. Un tout petit peu alors. J'ai pas très faim. Vous n'allez pas à la cantine ? Ah non, le plus souvent nous mangeons ici en salle des profs. On perd moins de temps. Et puis, l'année dernière, il y a eu un changement de réglementation dans l'attribution des marchés publics. Ah oui. Je vois que comme moi, ça te passionne. Hein. Bon, écoute, j'ai pas tout compris. Et pour le détail, il faudra interroger un collègue de STMG. STMG... La filière marketing et gestion. Bon, maintenant, la cantine est gérée directement par la région. Avant, c'était un fournisseur privé. Bon, c'était plus cher, mais c'était meilleur. Mais vous mangez jamais dehors ? Pas souvent. Peur de sortir ? Moi, non. Mais certains collègues, si. Ah bon ? Mais c'est si tendu avec la population locale. Mais pas autant que voudraient le faire croire certains journaux pour vendre leurs papiers. Il y a bien un prof de philo qui a été menacé parce qu'il appartenait à une association de défense de la laïcité, mais en réalité, au lycée Jules Ferry, il n'y a pas plus d'agressions sur les profs que n'importe où ailleurs. Bah alors pourquoi ne pas déjeuner dehors de temps en temps? Parce que dehors, c'est kebab et pizza à la perte de vue. Ou bien McDo, alors autant manger ici. Je ne sais pas si mon pain de thon est halal, mais il est meilleur pour les hanches. C'est l'heure. La cage au lion nous attend. Si besoin, n'aie pas peur de les fouetter. Souvent, ils en redemandent. À tout à l'heure. Octobre, au lycée Jules Ferry, salle de classe, cours de français. Allez. Installez-vous. Bon, alors, aujourd'hui, nous travaillerons sur la manière de dire les alexandrins. Qui peut me rappeler ce qu'est un alexandrin? C'est un verre qui a 12 pieds. On parle plutôt d'un verre de 12 syllabes. Je vous avais demandé pour aujourd'hui d'apprendre quelques alexandrins d'Andromaque de Racine. Acte 1, scène 4. Levez la main, ceux qui ont fait le travail. Bon, bah c'est pas mal du tout. Quelqu'un peut me parler un peu de l'action? Oui, Nasser. Andromaque est une tragédie en 5 actes et en vers. L'argument de la pièce se résume en une phrase. Au reste, aime Hermione. Ouais, Hermione, et comme dans Harry Potter. Oh, remarque particulièrement pertinente, doit l'entendre. Ça valait vraiment la peine d'interrompre votre camarade pour nous faire partager vos lumières. Bon, reprenez, Nasser. Au reste, aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, la veuve d'Assanax tuée pendant la guerre de Troie. Et c'est très bien, Nasser. Merci, madame. Néanmoins, la prochaine fois que vous citez Wikipédia, vérifiez d'abord si l'article ne comporte pas des erreurs. Andromaque est la veuve d'Hector, pas d'Astyanax. Astyanax, c'est son fils. Oui, mais madame... Ben oui, je sais. Ah, ça fait beaucoup de noms propres à retenir, hein. Sans compter celui de l'auteur. On s'y perd un peu, forcément. Bon, concentrons-nous juste sur les deux protagonistes de la scène 4. Andromaque et son fils sont prisonniers de Pyrrhus. Les Grecs demandent à Pyrrhus de leur livrer le fils d'Andromaque. Pyrrhus refuse, quitte à déclencher une nouvelle guerre, pensant qu'Andromaque va lui en être reconnaissante. Là démarre la scène que vous avez apprise. Qui veut jouer Pyrrhus? Moi. D'accord, d'accord, Valentin. Et Andromaque? Vous, Karima? Oui, je veux bien. Bon, commencez, Valentin. Madame, mes refus... Non, levez-vous, levez-vous, pour que tout le monde puisse vous voir. Oh, chut, chut, chut, chut. Faites comme si vous étiez sur scène. Oh, chut, s'il vous plaît. Madame, mes refus ont prévenu vos larmes. Tous les Grecs m'ont déjà menacé de leurs armes. Mais dussent-ils encore, en repassant les eaux, demander votre fils avec 1000 vaisseaux? Je ne... balance point. Je ne balance point. Je vole à son secours. Je défendrai sa vie aux dépens de mes jours. Mais parmi ces périls où je cours pour vous plaire, me refuserez-vous un regard moins sévère? Et je me souviens plus de la fin. C'est dur, madame. Bon, pauvre Pyrrhus, il va avoir du mal à convaincre Andromaque. Hein. À vous, Karima. Je vous jure, madame, c'est l'angoisse devant tout le monde comme ça. Oh, mais ça va bien se passer, Karima. Allez. Chut. Seigneur, que faites-vous et que dire à la Grèce? Faut-il qu'un si grand cœur montre tant de faiblesse? Plus lentement, hein. S'il vous plaît, prenez le temps de respirer. Voulez-vous qu'un dessein si beau, si généreux, passe pour le transport d'un esprit amoureux? Captive, toujours triste, importune à moi-même, pouvez-vous souhaiter qu'Andromaque vous aime? Très bien. Quels charmes ont pour vous des yeux infortunés? Qu'à des pleurs éternelles vous avez condamnés? Non, non, d'un ennemi respecter la misère. Sauver des malheureux, rendre un fils à sa mère. De 100 peuples pour lui combattre la rigueur. Sans me faire payer son salut de mon cœur. Malgré moi, s'il le faut, lui donner un asile. Seigneur, voilà des soins dignes du fils d'Achille. Voilà. Quel bel Andromaque. Mais bravo, Karima. Andromaque 1, Pyrrhus 0. Oh, chut, s'il vous Elle est si triste. Elle devrait être fière plutôt. Son homme est mort en martyr. Pardon ? Pardon, Nasser, qu'est-ce que vous dites ? Rien, madame, je dis rien, c'est bon. Décembre, au lycée Jules Ferry, salle des profs. Elle est nouvelle, madame Lambert ? Oui, elle a pris ses fonctions en septembre. T'en penses quoi ? Elle me semble plus volontaire que la précédente proviseur, madame Delfos. Elle avait baissé les bras et attendait sa mutation. Tiens, tu dis la proviseur ? Oui, madame la proviseur. C'est elle qui y tient. Et tu crois qu'on peut compter sur elle en cas de problème ? Quel genre de problème ? Avec un élève. J'en sais rien. Elle vient de la filière administrative. Elle n'a jamais enseigné. En termes de pédagogie, elle a des idées un peu étranges. Et quel élève ? Nasser Gassem, première ST2S. Raconte. Tu sais que je les ai en histoire géo, mais aussi en enseignement moral et civique pour une heure, une semaine sur deux. Tu les as branchés sur les états généraux de la bioéthique, c'est ça ? Exactement. Comme ils se destinent aux professions médicales et sociales, j'ai pensé que ça pouvait les intéresser. L'idée, tu vois, c'était de les exercer à la pensée critique dans un cadre scientifique. Je voulais les faire réfléchir sur les propositions figurant sur le site internet des états généraux de la bioéthique. Voir qu'ils contribuent eux-mêmes en construisant un argumentaire documenté. Mais oui, j'avais lu ta fiche projet là-dessus. Hein. Très ambitieux comme programme. Mais si tu veux mon avis, avec ces élèves-là... Ils ont travaillé sur des sujets comme les cellules souches, les neurosciences, la prise en charge des malades en fin de vie. Certains ont monté des dossiers de présentation très valables. Et Nasser dans tout ça ? Eh bien, le débat portait sur le don d'organes, sa gratuité et l'accord présumé d'un donneur décédé, sauf inscription de son vivant au registre des refus. Donc là, deux ou trois élèves ont commencé à argumenter en faveur du don. Eh bien, ils se sont tus très vite. Nasser a déclaré que le don était haram au motif que le corps n'est qu'un dépôt entre les mains de l'homme. Il appartient à Dieu. L'homme ne peut donc pas céder ce qui appartient à Dieu. Voilà, fin du débat. Interprétation du Coran selon Nasser, hein ? Cette façon de confisquer la parole, ça m'a sidérée. J'ai pas réussi à lui répondre quoi que ce soit et on a vite passé à autre chose. Tu crois que je dois le signaler ? Ah, c'est compliqué. À partir du moment où tu as sollicité son opinion, c'est difficile ensuite de sanctionner, même si le propos est limite. Par contre, il ne faut pas qu'il te gêne dans ton cours ou qu'il empêche ses camarades de s'exprimer. Bon, on va le garder à l'œil, hein ? Non, mais c'est vrai. Quoi ? Que le Coran interdit le don d'organes. Non, je ne suis pas une spécialiste, mais ça m'étonnerait. Quand le Coran a été écrit, le don d'organes n'existait pas. Donc, il ne pouvait pas être interdit. Hein ? C'est QFD. Mais je ne vais tout de même pas devoir vérifier ce que disent les imams pour préparer chacun de mes cours. Mais non, de toute façon, il est interdit d'interdire. Parole de mécréante née en 68. Janvier, grande salle du lycée Jules Ferry. Préparation d'un concours d'éloquence. La crainte des autres nous renferme sur nous-mêmes, nous rend solitaires et ignorants. Le racisme est une manière de déléguer le dégoût qu'on a de soi-même. Si vous ne respectez pas avec dignité votre prochain, vous n'avez pas de place dans son monde. Pas mal du tout, Valentin. Bravo. Bravo. La conclusion est un peu ambiguë et aurait mérité d'être développée pour plus de clarté, mais vous êtes en progrès. C'est bien. Merci. Bon, à qui le tour ? Nous écoutons votre texte, Nasser. J'ai pas eu le temps d'apprendre. Oui. Et ? Je peux lire sur mon téléphone. Ah ! Que feriez-vous sans lui, hein ? C'est un peu votre doudou numérique. Hey, j'ai trop le seum, le mien il est en réparation. Vous êtes grave vénère, hein, n'est-ce pas, Marius ? Oui. Ce qui ne vous autorise pas à prendre la parole sans l'avoir demandé. Quant à vous, Nasser, vous pouvez sortir votre téléphone à titre exceptionnel. Oh. Merci, madame. Allez. Derrière les grands discours sur la République et ses valeurs se cache une réalité que les populations racisées connaissent plus que quiconque en France. La France n'a pas soldé son passé colonial. Elle est incapable de regarder ses citoyens originaires de ses anciennes colonies comme des citoyens ordinaires. Ils sont toujours les peuples indigènes qu'il faut discipliner, civiliser. La consigne était d'écrire son propre discours, Nasser. Le déni de droit auquel font face ceux qu'on appelle les musulmans s'illustre par les lois adoptées pour les cibler spécifiquement. Il suffit qu'une femme porte un foulard en France pour qu'elle se retrouve en état de mort sociale parce que tout lui est interdit. De l'école au travail, en passant par les loisirs. Montrez-moi ce texte. La centaine de jeunes filles exclues pour port de jupe longue ou les enfants agressés par le personnel de l'éducation nationale n'a ému personne. Donnez-moi ce smartphone. Mais laissez-le terminer. Peut-on parler de citoyens à part entière lorsque même les enfants ne sont pas épargnés par l'islamophobie ? Vous avez terminé? Donnez-moi ce smartphone. Pourquoi, madame? Ce qui contient, c'est privé. Et puis pourquoi vous voulez réduire ma liberté d'expression? Au contraire, je veux l'élargir, en vous incitant à écrire vos propres discours, plutôt que de relayer sans recul ceux des autres. Quoi? C'est pourquoi j'aimerais connaître la source de celui-ci. Ah bah merde, mais je l'ai effacé. Chut! Par accident. C'est fort dommage. Vous allez donc m'amener votre carnet de correspondance, afin que j'explique au conseiller principal d'éducation pourquoi vous lui rendez visite. Et aussi pour vous donner 2 heures de colle, par accident. Février, grande salle du lycée Jules Ferry. Fin de la visite du préfet Reynaud chargé de la laïcité. Aussi, il me reste à vous remercier, monsieur le préfet, pour nous avoir fait l'honneur de votre présence sur notre territoire. Je remercie également l'ensemble de la communauté pédagogique pour avoir su répondre présent lors du lancement de ce beau projet de réécriture du règlement intérieur. Vous toutes et tous, professeurs, conseillers principaux d'éducation, élèves, élus du conseil des délégués pour la vie lycéenne, avez su répondre à la question des règles de vie incontournables pour favoriser le vivre ensemble au lycée Jules Ferry, en plaçant les valeurs républicaines au centre de nos échanges. Merci, merci pour vos belles idées et pour votre professionnalisme. Je vous invite maintenant à partager un moment plus convivial autour d'un goûter. Madame, merci pour votre accueil. J'espère que nous avons modestement contribué à nourrir le débat avec ces quelques éléments issus du terrain. Tout à fait. Cette visite stimule ma réflexion et conforte la nature des préconisations qui vont figurer dans le rapport que m'a commandé Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je vous présente Madame Bélanger, une des rares professeurs du lycée à avoir demandé à enseigner ici. La plupart de ses collègues n'ont pas vraiment eu le choix. Enchantée, madame. Pareillement, monsieur le préfet. Je suis impatiente de pouvoir lire ce rapport dans la presse pour savoir comment la République soutient ses enseignants. Sans présager des conclusions, le constat que je dresse est que la laïcité est respectée dans les textes. Mais sa pédagogie et le partage des valeurs républicaines sont rendus difficiles par l'affirmation identitaire qui progresse dans certains territoires. Vous savez, quand un élève enflamme les cheveux d'une fille dans une salle de classe, aucun autre se balade avec une hache dans la cour de récréation. Nous nous sentons effectivement assez démunis pour faire partager les valeurs républicaines. Quant à l'application de la laïcité, ici, hein, marchons sur des œufs. Ce que Madame Bélanger veut dire, c'est que sur des sujets comme le communautarisme ou le vivre ensemble, nous sommes souvent dans des injonctions paradoxales. Doit-on appliquer la tolérance zéro ou chercher l'apaisement? Et puis la doctrine n'est pas claire. Par exemple, la promotion de la laïcité et la lutte contre la radicalisation sont-elles liées? Doivent-elles l'être? La doctrine n'est pas claire. Et surtout quand un président de la République déclare devant des dignitaires religieux qu'il convient d'être vigilant face à un risque de radicalisation de la laïcité. Ces propos ne sont pas avérés, madame. Oh, monsieur le préfet, ces propos ont été rapportés par le grand rabbin de France et le président de la Fédération protestante de France, tous deux présents lors de cette réunion. C'est une déclaration pour le moins ambiguë. D'ailleurs, nous attendons toujours ce grand discours. Qui clarifierait sa position sur le sujet? Je connais bien le président et sa position. Ah oui? Oui. Force est de reconnaître que, pour l'instant, il recule devant l'obstacle. Mais, oui. Voilà. Mars, au lycée Jules Ferry, dans le hall principal. Ce mercredi, suite à l'acte héroïque du colonel Beltram, mort dans la triple attaque terroriste dans l'Aude la semaine dernière, le ministre de l'Éducation nationale nous invite à réfléchir aux notions de courage, de dépassement de soi et de citoyenneté au XXIe siècle. Ainsi, nous pourrons prendre conscience que la République se nourrit et grandit par l'engagement de chacun. Nous allons maintenant respecter une minute de silence en mémoire du colonel Arnaud Beltram. C'est du vent. Chut, ma sœur. Pourquoi dommage pour lui, pas pour Redon Lactime? C'est qui Redon Machin? Silence! Lui aussi, il est tombé en guerrier. Taisez-vous, Nasser. En plus, c'était franc-maçon, Beltram rend hommage à un Illuminati. Je vous le demande une dernière fois, taisez-vous. Je vous remercie. Vous pouvez maintenant retourner dans vos classes. Suivez-moi, Nasser. Tout de suite! Je devrais vous envoyer immédiatement chez la proviseur. Mais vous venez pas pour moi, madame. Mais vous rendez-vous compte de la gravité de vos paroles? Par les temps qui courent, quelqu'un pourrait vite vous faire arrêter pour apologie du terrorisme. Mais quoi? J'ai juste la vérité, c'est tout. La vérité? Vous m'en direz tant. Parce que vous croyez la détenir à vous tout seul, vous, la vérité. Ah, vous êtes en colère, hein? Vous avez vos règles. Écoutez-moi bien, Nasser. Écoutez-moi attentivement. Ouais. Il reste 3 mois avant l'épreuve anticipée de français. Aussi, pour cette fois, ne vais-je pas vous signaler. Je vais faire mine de n'avoir rien entendu. Mais dites-vous bien que c'est la dernière chance que je vous laisse. Au moindre mot déplacé, au plus petit incident supplémentaire, je vous ferai la peau. Au figuré, bien sûr, hein, moi, je ne suis pas une terroriste. Hein. Vous m'entendez? Encore un dérapage de votre part et je vous garantis que vous ne remettrez plus jamais les pieds dans cet établissement. M'avez-vous bien comprise? La menstruation des femmes, c'est un mal. C'est ce qu'il dit le Coran? Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. Et ne les approchez que quand elles sont pures. C'est ça, continuez vos provocations. Vous voulez sortir? Alors sortez, sortez! Mais n'oubliez surtout pas ce que je viens de vous dire. Voilà. Mais décollez un peu les chaises, là, s'il vous plaît, vous êtes trop proches. Avril, au lycée Jules Ferry. Salle de classe, cours d'histoire-géographie. Alors, on va faire un petit rappel de la dernière fois. La dernière fois, nous avions vu que la Seconde Guerre mondiale avait franchi un degré supplémentaire dans la guerre totale. En effet, on constate que le nombre de victimes civiles a grandi, mais considérablement, hein, par rapport à la Première Guerre. Pouvez-vous me rappeler la raison principale? Le génocide des Juifs. Oui, et plus précisément, c'est la politique d'extermination menée par les Allemands à l'encontre des populations juives et tziganes. Alors, nous avions vu également que le procès de Nuremberg avait permis d'établir les catégories juridiques de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en 1945. Le terme de génocide, lui, est défini plus tard, en 1948, par l'ONU, dans le texte d'un traité international. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la mise en œuvre de ce génocide à travers l'étude du camp d'Auschwitz. Pardon? Oui? Nasser, vous avez une question à poser peut-être? Ouais, c'est quand on va aborder le génocide des Palestiniens? On ne peut pas parler de génocide dans ce cas, Nasser. Ah, pourquoi? Parce qu'en droit international, justement, ce terme a une définition précise. D'accord, c'est une question de droit international. Mais c'est qui le pays qui prépare le génocide de nos frères palestiniens? C'est le même pays qui respecte jamais les résolutions de l'ONU sur la Palestine. C'est ce pays qui expulse de force les Palestiniens de leur patrie, qui les bombarde et qui les tue. C'est le pays des Juifs, madame, c'est Israël. Ça suffit, Nasser, asseyez-vous. L'Union Européenne, elle se tait malgré ses prétendues valeurs morales. Elle est complice d'Israël puisque c'est elle qui l'a créée. La création de l'État d'Israël ne figure pas au programme de première, asseyez-vous. Comme par hasard. Elle prétend que massacre de Juifs, par contre, lui, il figure. On transforme les bourreaux en victimes. Mais vous êtes devenu fou, asseyez-vous, je vous dis. Et c'est pourquoi je déploie le drapeau de la Palestine occupée en signe de protestation contre Israël et en signe de solidarité avec mes frères opprimés. Asseyez-vous. Et je dis, mes amis, rejoignez-moi dans la lutte. N'acceptons pas plus longtemps cet enseignement mensonger. Prison nos chaînes. S'il vous plaît. Mais au lycée Jules Ferry, salle de réunion du conseil de discipline. Donc, nous sommes réunis ce jour à la demande de Madame Boyer, professeure du lycée, au motif de transgression grave et répétée du règlement intérieur par l'élève Nasser Gassem, ici présent. Oui. Monsieur Gassem est accompagné par Madame Gassem. Bonjour, madame. Bonjour. Sa mère est représentante légale et par Monsieur Lawadi, chargé de le défendre. Nous entendrons également Madame Bélanger, professeure principale, et Karima Boutalem, déléguée de classe. Karima. Je vous rappelle que conformément au texte en vigueur, le conseil est composé de Monsieur le proviseur adjoint, de Madame la conseillère principale d'éducation, Madame l'intendante, 5 représentants élus des personnels, 2 représentants élus des parents d'élèves, 2 représentants élus des élèves et de moi-même. Je vais maintenant vous donner lecture du dossier. Mai, au lycée Jules Ferry. Couloir devant la salle de réunion du conseil de discipline, dans l'attente des délibérations. Madame Bélanger. Tu dois pas lui parler, là. C'est toi qui dois te taire. Écoutez, madame, je conçois votre amertume. Je suis désolée. Mais j'avais averti Nasser. J'étais très patiente avec lui. Peut-être trop. Je sais. Je sais. Ce qui lui arrive, il le mérite certainement. Mais il est en colère parce qu'il est triste pour son frère qui est mort en Syrie. Je suis désolée. Ça doit être très dur. Oui, c'est dur. Mais Dieu m'a laissé un fils. Nasser est surveillé, il ne partira pas. S'il essaie, il sera rattrapé, il ira en prison. L'établissement n'a pas porté plainte. Hein. Il aurait pu, vous savez. Certaines déclarations de Nasser ont été faites devant témoins et relèvent du pénal. Mais vous parlez pas à ma mère, d'accord? Sinon... Je t'ai dit de te taire! Et son père? Son père? Il a disparu de la circulation, son père. Retourné au pays il y a longtemps. J'ai élevé mes fils toute seule. Au départ, quand son frère est retourné à la religion, je me suis pas méfiée. Je me suis dit que tant qu'il était à la mosquée, il n'était pas dehors à traîner. Je pouvais pas deviner qu'en fait, il faisait de la politique. Je comprends. Madame Bélanger, je voulais juste vous dire que Nasser, je l'ai pas élevé comme ça, à se révolter tout le temps contre ses professeurs. Tais-toi, là, espèce de folle. Là. Je comprends. Et lui, il faut qu'il comprenne que le lycée, c'est sa chance, sa seule chance, et qu'il est en train de la laisser passer. Je comprends. Au revoir, Madame Gassem. Au revoir, merci. Allez. Merci. Allez. Juin, au lycée Jules Ferry. Faut rien regretter. L'exclusion définitive était la seule option possible. Le conseil de discipline s'y est pas trompé. Hein. Oui, et puis il a pas volé. Hein. Mais de toute façon, ça doit lui faire ni chaud ni froid. À peine 2 semaines hors institution, si je compte bien, jusqu'au passage des épreuves de français. Et l'année prochaine, l'éducation nationale est tenue de lui trouver un autre établissement. Je m'en souviendrai de cette première année. Ou dois-je dire de cette dernière? T'as pas changé d'avis? On a la fibre enseignante, on l'a pas. Moi, je croyais l'avoir, et puis... Une année en banlieue au lycée Jules Ferry a suffi pour reconsidérer la question. Et peut-être devrais-tu y réfléchir encore, laisser passer l'été? Non. Non, je crois pas. Mon père dirige une petite entreprise unicole. Je vais travailler un peu pour lui, quelques mois, le temps de me refaire une santé. Après, on verra. Se refaire une santé à coups de grenache et de merlot, ben, je te vois venir. Du vin, oui. Et du bon, du bio. Et toi? Moi, j'ai fait mon temps ici. La fin de carrière se profile. Je vais demander ma mutation vers un établissement coquet dans une grande ville bourgeoise, pas loin d'ici. J'attendrai la retraite en dissimulant aux élèves les progrès de ma surdité. Je ne t'oublierai pas. Porte-toi bien. Et fais-moi parvenir de temps en temps une bonne bouteille. Début septembre, au lycée Hoche. Salle de classe, rentrée 2018. Asseyez-vous. Je suis donc Nadine Bélanger, votre nouveau professeur de français. J'espère que nous passerons ensemble une année studieuse. Mais néanmoins... Il me vient tout à coup une idée. Nous commencerons l'année scolaire par l'analyse d'une phrase de Diderot, extraite de Jacques le Fataliste et son maître. On croit conduire le destin, et c'est toujours lui qui nous mène. Qu'en pensez-vous, monsieur Gassem? Préférez-vous parler du destin qui mène ici nos retrouvailles ou nous dire ce que vous savez de Diderot, philosophe des Lumières? Nous vous écoutons, Nasser. Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant, ces riches ont d'honneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main-d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux Harki qui a profité de qui. C'était le lycée de Vincent Daigre, avec Océane Mosas, Sofiane Kames, Marie Desgranges, Claire Dumas, Farida Ouchani, Mathieu Marie, Louis L, Grace Seri, et les voix de Alexia Anani, Marius Drano et Nicolas Anoto. Bruitage, Bertrand Amiel. prise de son, montage et mixage, Sébastien Royer, Cédric Chatelus. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Sensible, Fabrice Drouel. La laïcité, c'est pas contre certains. Rentrée scolaire 2013, Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, présente sa charte de la laïcité. Ce sont des principes qui permettent à chacun de trouver confiance en soi, harmonie avec les autres, de faire que la liberté de conscience, et donc la liberté aussi d'opinion, ça a été une longue conquête, eh bien, cette liberté soit garantie par l'État. C'est fondamental. La laïcité, elle ne fait pas mal, elle ne fait que du bien. Elle protège, elle n'agresse pas. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui le lycée. Notre invité, Didier Lemaire, professeur au lycée de la Plaine de Nauf, la Trappe, dans les Yvelines. Bonjour Didier Lemaire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur au lycée de la Plaine de Nauf, la Trappe, dans les Yvelines, une ville à laquelle nos consoeurs du journal Le Monde, Raphaël Baquet et Ariane Chemin, ont consacré un livre passionnant, La Communauté, un livre contre le déni, comme vous le qualifiez vous-même, et vous êtes aussi un fervent défenseur de la laïcité, mais pas que. D'abord, sur ce principe de la laïcité, on a entendu Vincent Peillon s'exprimer sur ce sujet ô combien important. Il était ministre de l'Éducation nationale à l'époque, c'était en 2013. Est-ce que les problèmes dont nous parlons aujourd'hui vont au-delà de la laïcité ? Les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui vont au-delà de la laïcité, car ce qui est en jeu, finalement, c'est pas tellement la religion aujourd'hui, c'est la politique, c'est-à-dire une ségrégation d'une partie de notre population qui se tourne contre l'autre partie de la population, contre la population française, et qui se coupe littéralement d'échanges avec elle dans ces ghettos que sont devenus certaines villes en France. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le tissu social est déchiré en milieu scolaire dans ces endroits? Parce que je peux constater, moi, c'est que mes élèves sortent très peu de leur ville, ne connaissent pas Paris du tout. Et quand ils vont dans d'autres villes des Yvelines, ils se sentent eux-mêmes étrangers. Alors, dans la présentation de l'émission, j'ai lu un passage de votre lettre destinée au président et à ses ministres. Je voudrais juste lire le début de cette lettre, parce que c'est important qu'on ait le contexte en entier. En tant que citoyen, écrivez-vous, nous sommes très préoccupés par le fait que votre gouvernement n'a, à ce jour, défini aucune stratégie claire pour lutter contre les causes de l'islamisme politique. De nombreux jeunes Français, musulmans ou non, partagent aujourd'hui des valeurs antidémocratiques, antirépublicaines, voire adhèrent à une idéologie régressive et obscurantiste. Comme le remarquent de nombreux observateurs, une forme de guerre civile devient envisageable. C'est un constat évidemment grave. Qu'est-ce qui nourrit ce constat, et je vais préciser ma question, dans votre expérience quotidienne et au-delà de ce que vous venez de nous dire? Alors, ce qui n'est pas facile à comprendre, c'est que le lycée, c'est un petit peu comme une île, surtout pour les élèves de trappe, c'est-à-dire que les élèves qui viennent au lycée se tournent quand même globalement vers la société française, ont des projets d'études, et par conséquent, eux, je dirais qu'ils ne sont pas touchés directement par ce mouvement politique. En revanche, ils vivent dans une ville qui est aujourd'hui tenue par les salafistes essentiellement, et qui les coupent du monde extérieur. Ça veut dire aussi qu'ils intègrent un certain nombre de leurs pensées, de leurs représentations, par exemple sur la laïcité. Ils pensent que la laïcité, c'est quelque chose qui vise exclusivement les musulmans, qui les met à l'écart de la société française, comme on a pu le voir d'ailleurs l'entendre dans la fiction de Vincent Daigre. Vous avez dit cette ville Trappe tenue, je vous cite, tenue essentiellement par des salafistes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que depuis 10 ans, dans les quartiers, les mœurs salafistes sont répandues. Ça veut dire y compris pour nos élèves, il n'est pas question pour les jeunes filles de ne pas porter le voile parce que sinon elles sont vues comme de mauvaises musulmanes. La pression du regard est terrible, c'est une pression sociale constante. On est jugé en permanence. Par exemple, une élève de seconde m'a dit au mois de juin dernier qu'elle était contente que son père ait déménagé à Rambouillet, alors qu'elle-même, c'est une fervente musulmane. Mais elle n'en peut plus, m'a-t-elle dit, de cette pression. Elle me dit que depuis qu'elle habite Rambouillet, elle respire. Alors, vous commencez dans le texte en citant les difficultés économiques dans lesquelles se trouve la ville de Trappe. 19% de chômeurs, un taux de pauvreté de 25% et un revenu moyen par habitant et par an de 18 000 euros. Et vous disiez en même temps, vous me disiez tout à l'heure, c'est plus un problème politique qu'un problème économique ou social. Mais enfin, s'il n'y avait pas 19% de chômeurs, s'il n'y avait pas un taux de pauvreté de 25%, peut-être qu'il y aurait moins de porosité entre ceux qui voudraient radicaliser et ceux qui se retrouvent radicalisables. Ça compte quand même, c'est important. Oui, c'est très important. Et c'est ce que j'ai proposé d'ailleurs au président de la République et au ministre de l'Éducation nationale. C'était d'avoir une politique sociale plus juste et de sortir ces jeunes de ces ghettos, de les valoriser, de leur permettre d'accéder à des emplois dans la fonction publique, notamment pour que naisse une reconnaissance vis-à-vis de la société française et de la République. Alors, Trappe est la ville de France où il y a le plus grand nombre de départs en Syrie pour le djihad. Vous confirmez ? Oui, je le confirme en relation avec le nombre d'habitants. Alors, c'était le cas puisque maintenant les enfants ne partent plus. C'est d'ailleurs un problème. Que vont-ils faire, les nouvelles recrues ? Que vont-elles faire, ces recrues, demain ? Et comment peut-on expliquer qu'à Trappe, il y ait comme ça le plus grand nombre de départs en Syrie? Enfin, il y a eu le plus grand nombre de départs en Syrie. Pourquoi dans cette ville-là? Qu'est-ce qui fait dans le contexte politique, municipal, qui fait que cette ville-là est si touchée? Alors, il y a des particularités? Oui, il y a la particularité du chômage et de l'extrême pauvreté qui a touché de plein fouet Trappe après, dans les années 80 et 90. Mais ça ne suffit pas, il n'y a pas une cause économique, c'est juste une condition. La cause, si je puis dire, la véritable cause, c'est que les recruteurs, eux, travaillent au quotidien à Trappes. Ils sont à la sortie des lycées professionnels, à la sortie de la mosquée. Ce ne sont d'ailleurs pas des salafistes de Trappes. Ils viennent d'autres villes, de Saint-Denis par exemple, pour ne pas être reconnus. Et là, ils font leur travail de recrutement. On trouve aujourd'hui, y compris des antennes de propagande vidéo. Il y a des gens qui travaillent aussi à faire des films, à envoyer des jeunes à la Mecque assez régulièrement, qui organisent donc des stages. Et c'est là où la question de la religion n'est pas évidente, puisque finalement, c'est présenté comme une religion, ou comme la vraie religion, une religion qui serait évidemment intégriste, littéraliste, fanatique, mais en réalité, il s'agit d'un discours politique et d'un véritable projet de couper ces gens du monde extérieur, de les couper de la société française. Et comment s'y prennent-ils concrètement? Ils sont à la sortie, pas dans le lycée, enfin j'espère, ils sont à la sortie du lycée. Ce sont des adultes ou est-ce qu'il y a des jeunes, des âges, des lycéens pour mieux les appâter? Ce sont des jeunes qui ont entre 20 et 40 ans. Je les connais pas personnellement, évidemment, vous avez vu opérer. Alors, les voir, c'est difficile. Moi, j'ai des témoignages d'élèves qui m'en parlent. Mm-hmm. Moi, je peux pas les reconnaître. Je ne les connais pas personnellement. Je sais qu'il y a un libraire à Trappes qui est un libraire établi, autrement dit, qui dans son idéologie, lui soutient l'idée que, enfin pas lui personnellement, mais ce mouvement que les lois de la charia doivent remplacer les lois civiles. Il y a des relais comme ça, y compris chez les commerçants. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que ça induit dans la classe, dans les classes, dans vos classes, comme atmosphère, comme débat, et est-ce que ça crée des tensions entre les élèves? Comment ça se passe? Alors d'abord, ça se passe très très bien dans mes classes. Je dois dire que j'ai des élèves particulièrement gentils et sympathiques. Et j'ai jamais éprouvé de difficulté à enseigner la philosophie, y compris de lire des textes anti-religieux de Freud ou de Feuerbach. Ça me pose aucune difficulté. En revanche, sur les questions de laïcité, dès que le point est abordé, je m'aperçois qu'ils ne savent pas ce que c'est, qu'ils ne comprennent pas le principe, et encore une fois, qu'ils perçoivent la laïcité comme une arme tournée contre les musulmans. Contre les musulmans, absolument. On va y revenir après avoir écouté le collectif 113, Les Regrets Restent. Ce sont trois rappeurs de Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Et c'est un morceau autour de l'opposition au système scolaire. Ça fait déjà, tu sais même plus, j'aurais pu tout laisser tomber. L'école m'a laissé assis sur un bord à la cité. Élève trop agité, qui n'en faisait qu'à sa tête. Je préférais les manifs, au lieu d'aller à la bibliothèque. Et mec, mes devoirs, je les faisais tard le soir. Et le matin pour me réveiller, c'était toute une histoire. J'ai jamais eu une bonne entente avec l'éducation nationale. Leur règlement intérieur et la façon dont ils travaillent. Dans des classes surchargées, toujours les mêmes qui vont piquer. Arrivé en fin d'année, pour passer t'as pas ton ticket. La conseillère, de toi se débarrasser. T'orienter dans un truc auquel tu n'as même pas pensé. Et en jamais rangé, combien de matière j'ai dû sécher. Entre mes premiers rencarts et mon goût pour le danger. J'aimais aussi le PS pour mater les seins des gonzesses. Question business, toujours un kilo de pièces. J'ai terminé mes classes dans la rue, là j'étais le bienvenu. Mais ici les ordres tenus, c'est 24 heures en garde à vue. Des études, j'en ras le cul, le bac je l'ai pas eu. J'sais qu'au fond pour ma famille, pour ça je les ai toujours déçus. Aujourd'hui comme tu le vois, c'est la musique que je prends à cœur. Pour faire passer le message, remémorer mes erreurs. Éviter les ennuis, même si j'aime traîner la nuit. J'ai eu raison de l'école, tant que l'école ne m'a pas. Les années passent, les regrets restent. Ancrés en soi, plein de pourquoi, à quoi bon. Seule réponse, je sais pas. Une chose est sûre, en cours, j'ai jamais été chasseur. Juste un acteur de plus, au fond, un emmerdeur. Je suis chier. En connaissance de cause, c'est que les regrets viennent après. Je pourrais dire comment m'aurait vu conseiller à l'Élysée. On m'a poussé vers ce foutu CAP de menuisier pour eux. Mon avenir se trouvait au baume et toi la santé. À grands coups de balai, mes rêves se brisaient. Que dire à ces mômes? Les yeux pleins de sympathie qui m'envient. D'abord qui je suis. Une chose est sûre, c'est que j'ai jamais voulu lâcher l'affaire. Ils m'ont mis la pression, pressé de me voir. Les cours de monsieur Sanson, mordu à l'hameçon pour être le couillon parmi les cons. Les insultes pleuvaient vers son culé de prof de maths. Il fallait jamais me prier pour foutre la riade. Avec les années, tous gâtent, merde. On jette tous dans un business éphémère. Histoire de faire vivre mère. La misère a fait de nous ses amants. Si j'avais su, j'aurais jamais quitté si tôt les bancs, tu sais. Les années passent, les regrets restent. Ancré en soi, plein de pourquoi, à quoi bon. Seule réponse, je sais pas. Une chose est sûre, en cours, j'ai jamais été bosseur. Juste un acteur de plus, au fond, un emmerdeur. Les années passent, les regrets restent. Ancré en soi, plein de pourquoi, à quoi bon. Seule réponse, je sais pas. Une chose est sûre, en cours, j'ai jamais été bosseur. Juste un acteur de plus, au fond, un emmerdeur. Les années passent, les regrets restent. Ancré en soi, plein de pourquoi, à quoi bon. Seule réponse, je sais pas. Une chose est sûre, en cours, j'ai jamais été bosseur. Juste un acteur de plus, au fond, un emmerdeur. Les années passent, les regrets restent. Ancré en soi, plein de pourquoi, à quoi bon. Seule réponse, je sais pas. Une chose est sûre, en cours, j'ai jamais été bosseur. Juste un acteur de plus, au fond, un emmerdeur. Ouais, gros. Au fond, un emmerdeur. Ouais, ouais. Les années passent. Les regrets restent. Millionnaire, on se retrouve pour aborder ce problème très préoccupant de la radicalisation chez les lycéens et les tentatives de radicalisation, surtout les tentatives. Vous écrivez aussi dans votre note que décrire ce milieu islamiste n'est pas facile. Vous y arrivez vous-même, mais vous dites que le décrire, c'est courir le risque d'être traité d'islamophobe. Ah bah ça c'est l'argument qu'on entend en France depuis quelques années, qui fonctionne à plein, qui permet de faire évidemment d'intimider et de faire taire les langues. D'ailleurs, cet argument islamophobe est lui-même développé dans la pièce de Vincent Daigre par l'élève, qui reprend l'argumentation classique et bien huilée. Et d'ailleurs, comme une partie de nos élèves, malheureusement. Même si, évidemment, dans la pièce, il s'agit pas d'un enfant absolument dans la fiction d'un élève radicalisé. Il est plus dans une provocation qui est liée à, disons, aux représentations de son milieu. Mais les élèves radicalisés, il est pas facile de les détecter. D'abord parce qu'ils sont silencieux. Et cela, ils se manifestent pas, justement. Eh ben oui. On va écouter, pour nourrir notre réflexion, un propos du journaliste-auteur Frédéric Béguin, qui écrit le livre Une prière pour l'école et qui réagit à une note de la DGSI qui fait état d'une radicalisation chez les jeunes de plus en plus jeunes. Cette note de service de renseignement, en tout cas, met le doigt sur des phénomènes que moi j'ai constaté pendant plusieurs mois en enquêtant sur mon livre. Dans toutes les écoles de France, écoles primaires aussi bien que dans le secondaire, on a des faits, peut-être pas plus fréquents, mais qui sont plus précoces, avec des élèves plus jeunes, et souvent plus agressifs, plus revendicatifs. Par exemple, dans les cantines, des élèves qui ne souhaitent pas manger la viande parce qu'elle n'est pas halal, c'est une chose, mais c'est pointé aussi dans la note des services de renseignement, ne souhaitent pas être assis à côté de ceux qui mangent de la viande. Autrefois, des élèves qui ne souhaitaient pas manger de viande n'en mangeaient pas, point. Aujourd'hui, ils s'occupent de ce que mangent les autres, font pression sur les autres qui n'observent pas cette obligation. Avec des mots très durs, hein, on entend aujourd'hui dans les écoles primaires parler d'enfer si on ne respecte pas certains principes. Et notamment le principe du vivre ensemble, hein, qui en prend un sacré coup, l'idéal de la République. Quand on parle des plus jeunes, c'est quoi les tranches d'âge dont Frédéric Béguin parle, selon vous? Je vais vous étonner, mais c'est encore plus grave que cela. C'est-à-dire? Dans les maternelles, à Trappes, les enfants refusent de chanter. Allez, expliquez-moi ça. Et chanter quoi? De chanter n'importe quelle chanson. Au nom de quoi? Au nom de ce qu'ils appellent leur islam, c'est-à-dire de ce que leurs parents... Bien sûr, les parents, évidemment. ...leur ont inculqué. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, les enfants ne peuvent plus chanter à la maternelle. Dans votre lycée, et vous disiez, ça se passe bien, parce que vous avez la chance d'avoir des élèves qui ont envie de comprendre, qui sont sympas, apparemment, et vous aussi, vous devez l'être, si le son c'est que vous l'êtes aussi. Mais enfin, après les attentats de 2015 contre Charlie Hebdo, est-ce que vous vous rendez compte d'autre chose? Est-ce qu'il y a un changement? Oui, moi j'ai pris conscience à ce moment-là du problème. Jusqu'alors, je l'avais à peine perçu, comme beaucoup. Et après les attentats de Charlie Hebdo, dans ma classe, il y a eu des débats. Et là, je me suis rendu compte que pour les élèves, c'était en gros du 50-50 dans les responsabilités. C'est-à-dire que pour eux, ils estimaient qu'il y avait une atteinte ou une offense. Alors non pas finalement au prophète ou à Dieu, mais une offense qui était faite à eux-mêmes. Par le style de vie que les islamistes veulent combattre par, aussi, par la mise en cause de liberté. Oui, oui, c'est ça, absolument. Et donc pour eux, finalement, à ce moment-là, ils se sont plutôt, ils avaient du mal à se positionner, mais en tout cas, ils n'étaient pas, ils n'ont pas. Ils n'ont pas été horrifiés. Ils n'ont pas été horrifiés. Certains n'ont pas été horrifiés. Ouais, certains ouais. ont pensé que user de cette violence-là, qui est une violence de guerre, on pensait que oui, il fallait passer par là. Exactement, oui. Ouais. Et après les attentats du Bataclan, oui. en revanche, là, la réaction était un peu différente. Pourquoi ? C'est-à-dire que dans la plupart des classes, il y a eu là, les élèves ont été horrifiés, surtout parce qu'ils ont compris que eux-mêmes auraient pu être, je pense, les victimes de demain. Ou être dans cette salle, tout simplement. Mais pas les journalistes de Charlie Hebdo. C'était pour eux représenter pour eux, l'élite, un discours. Pour eux, ils l'avaient en quelque sorte bien cherché. Mmh. Et oui. Mmh. Ouais. Vous vous engagez dans une association de la ville. Vous militez dans une association au-delà de ce que vous pouvez faire au lycée. Je ne dis pas que vous militez au lycée, surtout pas, mais au-delà de ce que vous pouvez apporter comme éclairage en tant que professeur, vous êtes aussi dans une association. Alors, j'ai d'abord découvert une association qui existait déjà à Trappes, qui s'appelait Parole à cœur ouvert, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui m'a permis de découvrir à quel point la ville était touchée par ce phénomène, c'est-à-dire en gros... Sur 70 élèves, lorsque nous faisions des groupes de parole, nous découvrions que nous avions 3 à 4 élèves dont un membre de la famille était parti. Mmh. Ce qui n'est vraiment pas rien avec des familles totalement déchirées. Donc d'abord, il y a eu cette association et ensuite, j'ai voulu aller plus loin parce que je pense que c'est pas... On peut pas faire de la prévention, on peut pas se substituer à l'action de l'État. Et donc, j'ai fondé au mois de juillet... avec quelques amis, une association qui s'appelle le Cercle de réflexion et d'action contre l'emprise islamiste, qui est un groupe de réflexion qui a vocation à rassembler des gens de sensibilité, de points de vue et d'expériences différentes pour analyser, mieux comprendre ce phénomène, au-delà évidemment des amalgames, oui. et puis aussi pour dépasser ces clivages qu'il y a aujourd'hui dans les sciences humaines pour étudier ce phénomène. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'il fallait faire, selon vous, ces dernières années ? Oh bah déjà, il aurait fallu que l'école commence un petit peu à s'impliquer dans ces questions-là, mais c'est quand même triste de voir que nos propres élèves, finalement, sortent sans conscience politique, sans savoir ce que c'est que les valeurs républicaines. C'est un échec total. Alors, évidemment, on apprend moins ça en maths qu'en philo. Donc vous avez une matière qui... peut permettre justement de donner des repères jusqu'où vous pouvez aller. Et alors, est-ce que vous avez des consignes de la part de l'Académie sur la lutte contre le prosélytisme, contre la radicalisation, ou est-ce que vous avez des marges de liberté? Comment ça fonctionne? Nous avons des marges de liberté, disons que dans le programme de philosophie, c'est assez facile. Maintenant, il me semble qu'il faut aller au-delà du programme de philosophie, c'est-à-dire qu'il faut traiter cette question en particulier dans les lycées qui sont touchés par ce phénomène. Nous l'avons fait, par exemple, dans notre lycée, en invitant la pièce Djihad, qui a été montrée pour la première fois, en invitant un islamologue qui utilise les outils de l'anthropologie et de l'histoire pour discuter avec nos lycéens et aborder le Coran autrement, pour leur donner une autre vision. Il faut voir que pour ces élèves-là, le lycée, c'est quasiment leur seule fenêtre sur le monde extérieur. La télé aussi. La télévision aussi, oui. Mais la télévision, c'est autre chose. C'est pas toujours un appareil éducatif, on est bien d'accord. Merci infiniment pour ce témoignage et ce scanner de la société française vu du côté de ces jeunes et de ces lycéens qui est effectivement très préoccupant. Merci. Merci. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui le lycée, une fiction écrite par Vincent Daigre, réalisée par Sophie Hoppicon, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Lucie Lemarchand, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Élise Christophe et Jean-Philippe Jeanne.